histoire de ce cat qui se retrouve sur l'autoroute sans une croquette dans la poche, le grand rush des retours. Singe et ses pensées, un beau jour sans un remords, vous laisse sans un détour le risque de se faire aplatir. Tout mouillé dans la rue, il cherche un abri abandonné. Tout mouillé dans la rue, il cherche un abri abandonné. Mais le cat tombe sur ses pattes, il a trouvé un squat sympa. Le grand singe dans sa bonté donne une croquette à volonté. Toujours en quête d'une caresse, me regarde d'en bas en souriant. Devenu le gardien de ces lieux, tu fais le beau sans payer ton loyer. Tout mouillé dans la rue, il cherche un abri abandonné. Tout mouillé dans la rue, il cherche un abri abandonné.